Vers la mer. Chant d'amour et d'adieu. Premier jour, nous descendons maintenant le fleuve presque impassible qui traverse les vastes plaines céréalières du pays. Blé à perte de vue et orge aussi, dont j'aime à contempler l'ondulation à la moindre brise. Tu te reposes sur le pont, dans un espace clos de verre qu'un toit escamotable peut recouvrir en cas d'ondée. Mais ce ne sera pas pour aujourd'hui. Le ciel est clair, gris perle, mais dégagé comme si tout ce qu'il contenait de sombre avait été repoussé au plus loin, chargeant l'horizon à l'est, là où pointe la proue de notre bateau. Tout à l'heure, à ce ciel gris, nous opposions le souvenir d'un azur dans lequel tournoyaient des dizaines de vautours. C'était quelque part en montagne. Aucun de nous ne se souvenait ni du lieu exact, ni de la date précise. Nous marchions sur des sentiers escarpés, levions les yeux à chaque moment de pause pour observer les rapaces, émerveillés par leur élégance en vol, quand nous les savions, à l'instar de l'albatros, si lourd et laid au sol. Il est certain que nous n'en reverrons pas ici, tout au plus quelques buses et faucons, peut-être aussi quelques milans, hélas, aux abords des décharges en plein air. Cette première journée de navigation a commencé tôt matin. On m'a aidé à charger nos quelques effets sur le bateau, à descendre dans la chambre notre unique valise et dans la cale une caisse de vivres et un jerrican d'eau, à déposer dans la cabine un carton de livres et deux carnets vierges, un noir et un bleu, dont le premier, disais-tu, pourrait nous servir de journal de bord. La plupart des voyageurs en tiennent un. Quand le second recueillerait le tout venant de nos réflexions ou des citations tirées de nos lectures. Sur le carnet noir, à titre d'amorce, tu as noté « Aujourd'hui, nous appareillons, sans date, sans plus de précision, comme si rien d'autre n'apportait que ce départ, comme s'il s'inscrivait hors du temps, comme s'il nous fallait désormais vivre autrement, sans compter et penser chaque jour dans le présent de notre avancée. La veille et l'avant-veille, j'avais apporté quelques autres de nos affaires. Ta chaise longue, deux coussins et le plaid molletonné dont tu aimais à te couvrir. Mais surtout, j'étais venu au bateau pour me familiariser avec son pilotage. Ce qui m'avait d'emblée séduit, c'était cet espace vitré en prolongement de la cabine de pilotage, cette sorte de petit salon qu'on aurait dit aménagé à ton intention, à ciel ouvert s'il te plaisait, avec une vue panoramique sur les berges et l'horizon. Le découvrant, je t'y voyais déjà, assise ou allongée, écoutant de la musique ou lisant, à moins que somnolent ou l'esprit vacant, quand moi, en léger surplomb, derrière toi, j'œuvrais en capitaine et protecteur, rôle qui ne m'avait jamais incombé jusqu'alors. De temps à autre, profitant d'un segment rectiligne du fleuve, je bloque la barre et vais m'asseoir près de toi, te prends la main. Regarde avec toi les berges et l'horizon. Lis quelques lignes à mi-voix sur la page du livre laissé ouvert à ton côté. Pour l'heure, c'est un court paragraphe marqué d'une accolade au crayon. Note-le dans le carnet bleu, me souffles-tu. À quoi servent les poètes? À semer dans la nuit les mots comme des étoiles, à relier ciel et terre, chair et âme, fragiles mais précieux traits d'union entre ceux qui, à tâtons, cherchent le sens de leur vie. Marina Tsvetaeva. Il arrive aussi que nous arpentions le pont, ton bras accroché au mien, et nos regards glissant sur la surface du fleuve, que l'étrave de notre bateau fend sans bruit ni remous. Tu dis, le temps pourrait s'arrêter là. Mais chacun de nous sait l'impossible de la chose, car rien n'est inerte, pas même la plus dense des pierres. Aussi, nous avançons et avancerons comme il le faut, jusqu'à l'embouchure du fleuve, jusqu'à la mer. Troisième jour. Aujourd'hui, notre bateau semble porté par un courant plus vif qui oblige à bien tenir la barre pour ne pas dévier. Le temps s'est rafraîchi. Nous craignons la pluie. En alternance avec les prairies, des bois plus ou moins denses, peuplés de feuillus plus ou moins hauts, bouchent la vue et couche sur le fleuve des ombres que notre bateau fait danser sur son passage. Quel que soit le paysage que nous traversons, tu t'extasies devant la beauté des choses, la qualité de la lumière, la richesse des couleurs, la majesté des arbres. Tout te ravit, tout te fait plaisir, tout t'enchante. Tu regardes le monde, non comme si tu savais devoir trop tôt le quitter, mais avec les yeux de la première fois. Dans ce qui désormais ressemble plus à une forêt qu'à un bois, tu dis soudain avoir aperçu une silhouette vêtue de rouge. Ça ne te rappelle rien? J'avance l'idée du petit chaperon, voire du loup déguisé en petite fille, mais tu m'interromps, péremptoire, t'en fais d'un beau loup. C'est moi, Nigo. 17 ans. Et ce gilet rouge qui n'avait rien d'un capuchon, ne me dis pas que... Non, je ne dis rien. Même si un peu contrarié quand tu avais frappé à ma porte ce jour-là, car j'avais prévu les copains et la musique. Mais tu étais belle et désirable. Et la première que j'allais serrer dans mes bras, embrasser à pleine bouche, caresser par tout le corps. Commencerait alors une aventure de plus de 40 ans. Mais aucun de nous n'aurait pu le prédire. Seul le présent comptait, comme aujourd'hui. Et c'est peut-être pour cela qu'il vaut mieux ne pas trop se retourner, ne pas trop s'attarder sur ce qui a été, au risque d'en négliger ce qui est ce fleuve que nous descendons ensemble pour quelques jours, quelques semaines, au gré des courants et des couleurs du ciel. Cela dit, en réponse à ta question, oui, je me souviens de ton gilet rouge porté à même la peau et combien chaque nouveau bouton que j'en défaisais attisait notre désir, combien mes mains tremblaient, combien nos corps à l'unisson vibraient. Au milieu des bois, une grande bâtisse, pas tout à fait château, bien que dotée d'une tourelle à toit pointu, sans doute là que se trouve la chambre de la dame vêtue de rouge, pas tout à fait princesse, ce qui n'empêche, me dis-tu, qu'à la nuit tombée, les yeux des loups scintillent quand elle se dévêt devant sa fenêtre éclairée. L'image te fait sourire. Et ta main appelle la mienne pour l'embrasser, puis la faire glisser sur ta poitrine avant de la nicher au creux de tes cuisses. Au bout d'un moment, je te murmure à l'oreille que nous dérivons. Et c'est alors le rire qui nous saisit. Un rire comme nous en avons connu mille, mais qui cette fois encore pour toi se brise en tout rauque, tandis que je reprends la barre pour redresser notre bateau. « Nous dérivons, dis-tu, encore après avoir repris ton souffle. Puis tes paupières se ferment et tu te laisses emporter par une vague intérieure, vers la somnolence, loin du fleuve et de moi. À ton réveil, tu dis « J'ai rêvé que notre char roux s'était levé à l'intérieur de mon ventre. Et que ma foi, il s'y trouvait bien et me tenait chaud. Le souvenir de ta main, sans doute. Nous franchissons un nouveau pont, semblable au premier de par son architecture. Un vieil homme en chapeau s'y tient accoudé à la rambarde et nous désigne le ciel d'un index tendu au moment où nous passons. Il ne nous faut pas longtemps pour comprendre son geste. Les premières gouttes de pluie s'écrasent, sonores, sur le pont du bateau et sur le toit escamotable que j'ai par précaution actionné au-dessus de ta tête. Bientôt, c'est le vacarme d'une averse d'orage, et l'air se rafraîchit. La lumière décline. Nous naviguons sans visibilité sur un fleuve devenu méconnaissable, presque hostile. Nous pourrions nous échouer, je me dis. Nous pourrions sombrer. Qui, à part ce vieil homme qui nous aura vu passer, qui pourra dire que nous avons été présents en cet endroit à tel moment de ce jour? Sans doute inquiète, toi aussi. Tu tends la main dans l'espoir que la mienne la saisisse, mais je ne peux lâcher la barre, mon amour. Et te le dis, et te le crie, mais tu ne m'entends pas. Alors, bien enveloppé dans ton plaid, tu te lèves, t'approches du poste de pilotage, me regardes intensément, et tandis que je croyais voir quelques détresses dans tes yeux, c'est au contraire l'exaltation qui les anime, une exaltation de petite fille que la force des éléments impressionne et transporte. Nous avons tant dérivé. Parviens-tu à me dire que nous voilà perdus au milieu de l'océan? La fin est proche. Je ne relève pas le propos. Lâche la barre un instant pour t'aider à gravir les deux marches qui nous séparent, et nous voilà bientôt serrés, corps contre corps, tous deux aux commandes de notre bateau, comme il en fut toujours, par tous les temps. Pour raison de confort, je te fais passer devant moi, puis confie la barre à tes mains pour occuper les miennes à caresser ton corps, ce qu'il en reste, me dis-tu, les glissant sous le plaid, sous le lainage, sous le maillot, j'ai toujours froid, me dis-tu, t'agrippant aux hanches pour faire basculer ton bassin vers l'arrière et mieux te sentir et faire monter mon désir. Arrête, me dis-tu, je ne vois plus rien. Et là, je comprends que ce n'est pas seulement la pluie qui fait écran. Nous sortons de la tourmente comme nous y sommes entrés. L'averse cesse le temps que tu sèches tes larmes, et le ciel aussitôt s'éclaircit. Des lames de lumière transpercent la forêt. Le fleuve se pare de brillance. La terre exhale des senteurs d'humus. Pendant quelques secondes, le silence est total. À peine si l'on perçoit le clapotis de l'eau sur la coque de notre bateau, puis les oiseaux y vont de leur chant qui semble se répandre d'une berge à l'autre, tandis que, dans le lointain, des cris d'enfants, dirait-on, peut-être ceux de la dame au chaperon rouge, risques-tu avant de suggérer qu'il s'agit plutôt du petit Pousset et de ses frères, trop contents comme nous d'avoir retrouvé leur chemin. Nous décidons d'amarrer notre bateau au sortir de la forêt. Le ciel est alors marine, strié de mauve, une brise souffle légère et nous apporte par bouffées des senteurs de terre et d'herbes mouillées. Au moment du coucher, alors que nous nous blottissons l'un contre l'autre, une chouette ulule très proche. Et tu dis « Merci la vie » et je répète après toi « Merci la vie ». Quatrième jour. Aujourd'hui, nous avons appareillé plus tardivement que les autres matins. La sensation de remous, trois fois dans la nuit, comme au passage d'une autre embarcation, nous a tiré du sommeil. Pourtant, il n'y avait rien, aucun bruit, aucun feu signalant une quelconque présence sur le fleuve. Nous nous en sommes étonnés. Tu as dit « Ce ne peut être l'effet des marées, nous sommes encore trop loin de la mer. » Nous avons chaque fois retrouvé le sommeil. Au réveil, bien que préparé, tu pleurais. parce qu'une poignée de tes cheveux était restée sur l'oreiller et une autre accrochée à tes doigts. À ta demande, pourquoi attendre? Disais-tu. J'ai tendu ce qu'il te restait sur le crâne, déposant mèche après mèche à la surface de l'eau, comme une offrande à qui, à quoi? Au fleuve. M'as-tu répondu. Puis, les regardant partir avec le courant, tu as dit qu'il te plairait qu'un oiseau les récupère pour s'en faire un nid. Parmi les turbans à porter, tu as choisi celui couleur fuchsia, qui te va à merveille, et fait ressortir l'éclat de tes yeux. J'ai pris une photo de toi, conscient de fabriquer un souvenir. Après quoi nous avons largué les amarres, tu pleurais encore. L'eau du fleuve a pris une teinte sombre. Sans doute d'être ainsi brassée par les hélices, charrie-t-elle plus de vases? L'averse orageuse de la veille a fait tomber des branches mortes qui dérivent avec le courant. À l'une d'entre elles est accroché un nid minuscule que je récupère avec une gaffe. À défaut de tes cheveux, mais qui sait, à la saison prochaine, c'est une sorte d'étoupe qui le garnit, peut-être du crin. L'ensemble, en tout cas, est œuvre de tisserand que je te montre. Peut-être un pinson, dis-tu sans en être certaine. Il y a peu encore, tu voulais croire à la réincarnation et t'imaginais en oiseau des jardins. Mais très vite, tu en avais conclu qu'à l'instar des promesses religieuses, il ne s'agissait là que d'un pis-aller pour apaiser la plus grande de nos peurs. Puis, de mémoire, tu m'avais cité cette phrase de Sogyal Rinpoché que je copierai plus tard dans le carnet bleu. La mort n'est ni déprimante ni séduisante. Elle est tout simplement une réalité de la vie. Tu m'as demandé un miroir et maintenant, te regardant tête nue, tu dis « Je ne me reconnais plus. Est-ce encore moi ou déjà cet autre au terme de son voyage ?» À cela, je ne réponds rien, mais de te voir ainsi ravive en ma mémoire d'autres images, d'autres visages, quand les tondeuses agressent le crâne des femmes, disait l'une d'elles. C'est toujours pour les humilier. Puis elle racontait comment on les avait traînés dehors aux vues de tous, puis fait agenouiller près d'un feu avant de leur raser la tête. Jamais, disait-elle, jamais je n'oublierai le vagissement des mèches épaisses jetées sur la braise, l'odeur d'intimité brûlée, la sensation d'absolue nudité au moindre souffle d'air. C'était il y a longtemps. C'était hier, c'était à l'autre bout du monde, c'était ici. Avant ce jour, je n'avais jamais tendu les cheveux de personne, pas même d'un enfant pouilleux. Mais je me suis senti de ceux-là qui l'avaient fait, qui auraient pu le faire. Car se vouloir sujet du monde, c'est prendre le risque d'être en chaque lieu celui qui doit en porter le poids. Cette phrase de Michel Séonnet, je la noterai tout à l'heure dans le carnet bleu. Merci.